vend des robes, des pulls, des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne toute l'année, avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes, je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne toute l'année, avec des grillons, des sillons, des buissons, des poissons, des clochettes, des brochettes, des paquettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournis, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des conscrits, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canaux, des crapauds, des cabots, des capots, des tricards, des brancards, des canards, des brocards, des courants, des parents, des savants, des arpents, des melons, des tétons, des salons, des bonbons, des barclés, des balais, des raclés, des navets, des tambours, des dutours, des contours, des détours, des soupirs, des messires, des désirs, des sourires, des frelons, des bourdons, des citrons, des coupons, des berbères, des laitères, des lasers, des misères, des tacos, des marmots, des tuyaux, des bocaux, des bouchons, des torchons, des crayons, du sabot, des savates, des tomates, des mille pattes, des cravates, des curés, des greniers, des balais, des pompiers, des abeilles, des groseilles, des corneilles, des bouteilles, des limaces, des godasses, des rosaces, des crevasses, des éclairs, du tonnerre, des lumières, des desserts, des bougies, des souris, des brebis, des fouillis, du gruyère, du roquefort, du réfort, du bonheur, du charbon, du coton, du gazon, des scorpions, des sardines, des tartines, des copines, des cuisines, du colza, du tabac, du foie gras, des babas, des châteaux, des barreaux, des bourreaux,